Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Terry Fox et son marathon de l'espoir. The cancer had spread. No, I've got cancer in my lungs. And we got to go home and try and do some more treatment. La voix étranglée par l'émotion, Terry Fox qui annonce le 1er septembre 1980 qu'il doit mettre fin à son marathon de l'espoir. Parti de Saint-Jean-Terre-Neuve le 12 avril 80, Terry Fox a parcouru plus de 3000 km à la course lorsqu'il apprend que le cancer, qui lui a déjà coûté une jambe, a maintenant gagné ses poumons. C'est à Thunder Bay, en Ontario, que Terry Fox doit interrompre sa traversée du Canada. Il ne terminera pas son marathon de l'espoir, mais son courage et sa détermination feront de lui une sorte de héros canadien. Il y a quelques mois, à peine, un jeune homme nommé Terry Fox a conquis nos cœurs au cours de son marathon d'espoir. Dicté par un désir d'aider son prochain, il a mené ce marathon avec un courage indomptable. If there's doubt and you're cold, don't you worry what the future holds. We gotta have heroes to teach us all. Il y avait une chance de vivre pour lui-même pour une couple d'années. Puis il a donné sa vie pour aider les autres. C'est le plus grand acte d'amour. C'est une œuvre de Dieu pour avoir fait ce que j'ai fait. Qui connaissait 20 millions. Pour moi, c'était le courage. Parce qu'il devait savoir que la paix s'en venait. Never, never give up on a dream. Shadows fall. Quelques commentaires recueillis à la mort de Terry Fox le 28 juin 1981 et juste avant, c'est le gouverneur général Ed Schreier qu'on entendait qui citait Terry Fox en exemple lors de ses vœux pour la nouvelle année quelques mois plus tôt. Tout ça sur une chanson que vous avez peut-être reconnue de Rod Stewart écrite en l'honneur de Terry Fox. Pour nous raconter l'incroyable aventure de Terry Fox, mon invité est Peter Sherimeta qui est directeur de la Fondation Terry Fox au Québec. Monsieur Sherimeta, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la Fondation depuis 16 ans. Monsieur Sherimeta, mais avant d'être à la Fondation Terry Fox, pour vous, déjà, vous portiez des T-shirts de Terry Fox. C'était quelqu'un d'important. C'était pour vous une sorte de héros, déjà, avant d'être là. Pourquoi? Bien, quand j'avais 11 ans, mon père m'a montré à la télévision un gars qui a couru le Canada sur une jambe. Et j'ai regardé ça et je disais, waouh, quel courage. Je regardais ses yeux, je dis, c'est quoi ça dans ses yeux? Est-ce que c'est la concentration? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est une obsession? Et je ne savais pas. Mais je savais que c'était un gars incroyable. Et lui a toujours été mon héros, lui et ma mère. Mm-hmm. Et au moment donné, ma mère, 30 ans plus tard, elle a eu le cancer et elle a survécu. Et j'aime ça penser que l'argent ramassé par Terry Fox et par son leg, ouais, ça a sauvé la vie de ma mère. Mais l'image au départ, c'est ce que je retiens, cette image-là. Cet homme qui court, on sent avec difficulté, en tout cas ça lui coûte, chaque pas lui coûte quelque chose. Cette image-là, cette unijambiste, ça vous a frappé, ce courage, cette détermination, c'est ça tout de suite vous qui vous parle. Oui, oui. Et aussi, quand j'ai rencontré son frère Daryl, qui était avec lui au Marathon de l'Espoir, j'ai demandé à Daryl, est-ce que ça faisait mal de temps à temps, sa jambe artificielle? Son frère m'a dit, chaque pas qu'il a pris faisait mal. Et il y a du monde qui ont remarqué ça et ont posé la question à Terry, si ça fait mal, mais pourquoi pas arrêter de courir? Et Terry a dit, oui, je pourrais arrêter ma douleur si j'arrête de courir. Mais les victimes qui ont le cancer, ils n'ont pas ce choix. Alors ça, c'est pourquoi je cours. Alors, revenons un petit peu en arrière. Commençons par le commencement. À quel moment Terry Fox apprend qu'il a un cancer des os, qu'il devra perdre une jambe? Terry avait des douleurs dans sa genou droite. Et une journée, il est allé à l'hôpital. Et le médecin a remarqué que c'était quelque chose de sérieux. Et puis, il a demandé à la famille de Terry d'aller à l'hôpital parce que Terry avait 18 ans. Et il a dit, vous avez le cancer et dans 4 jours, on doit amputer ta jambe pour arrêter le cancer. Et après ça, il a quitté la chambre d'hôpital. Et Terry, il a sacré. Ouais. Il a pleuré. Et puis après ça, il a dit, OK, qu'est-ce que je vais faire pour faire le meilleur de cette situation? Et ça, c'est fascinant parce que très, très vite, puis en regardant autour de lui, hein, à l'hôpital, en voyant d'autres patients, jeunes patients atteints du cancer, tout de suite, l'idée de faire quelque chose lui vient. Oui, oui. Mais finalement, la veille de son opération, un de ses anciens profs est venu à l'hôpital avec un article écrit au sujet d'une athlète unijambiste qui a couru le marathon de New York. Et Terry a dit, mais si cet homme peut le faire, mais moi, je pourrais le faire mm-hmm. aussi. Et après ça, il a fait son traitement à l'hôpital. Et il y a eu un incident en particulier où il a été placé avec les jeunes à l'hôpital, les adolescents. Et le médecin, un par un nouveau patient rentré, et le médecin a dit, mais vous avez ce type de cancer et votre chance de survivre, c'est 25%. Puis une autre famille, vous avez ce type de cancer, votre choix de survivre, c'est 40%. Et Terry, il regardait ça toute la journée. Et ça lui a changé énormément. Dans son journal, il a même écrit, avant le cancer, je m'occupais de mes études, mes choses, mes sports. Après le cancer, j'ai commencé à penser à d'autres personnes. Ouais. Et il a dit que ma cœur a grandi 10 fois plus grand ce ouais. jour-là. Et l'idée vient donc très vite. Et l'objectif, là, c'est assez nouveau aussi, mais de dire, je vais créer ce marathon de l'espoir, je vais traverser le Canada d'un océan à l'autre pour amasser de l'argent. Il sait ce qu'il veut, là, très, très, très rapidement. C'est net pour lui, oui. L'objectif. Oui, oui, lui, il savait qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais il était gêné de partager ça avec sa famille. Il a dit, man, si j'ai dit ça à ma mère et mon père, ils vont penser que je suis fou. Alors, pendant son training, il les a dit, mais je suis en training pour faire un marathon. Et puis, il a fait 5000 kilomètres en training. Un an, hein, que ça va. Il va s'entraîner pendant un peu plus d'un an, c'est ça? Oui, un an et demi. 5000. Si on prend le kilométrage qu'il a fait en training, puis le kilométrage qu'il a fait sur le marathon de l'espoir, qui était 5373 kilomètres, ça donne plus que 10 000 kilomètres. Ça équivaut un quart de circonférence de notre planète. Incroyable. Ouais. Il va donc s'entraîner et arrive le 12 avril 80. C'est là, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, que tout commence. Terry, here we are at the starting point. What made you decide to go up this quarter mile of a hill at about a 30-degree incline? Please tell me. In order to hit the ocean, I wanted to start from the ocean, so I was hoping I could run from the ocean, but it's pretty wild here. Yeah, it's a bit much to try to run up here. Yeah, I can run up here. I can start right now. Well, all right, let's go. Why not? Do you have any idea how much you're worth on the hoof? How much you're going to raise? Yeah. I'm not sure, but I'd like to set a goal of $1 million. Le reporter du réseau anglais de Radio-Canada, Ted Withers, qui accompagne Terry Fox au tout début de son marathon de l'espoir, le 12 avril 80. Ted Withers qui s'étonne d'abord, qui le fait remarquer à Terry Fox. Il dit, pourquoi tu commences ta course en t'attaquant à une pente abrupte, à pic, sur 500 mètres ou à peu près, et qui lui demande combien d'argent tu espères recueillir. Puis Terry Fox qui répond, 1 million. Il en aura finalement amassé le double quand il devra acheter l'éponge à Thunder Bay. Terry Fox, donc, commence sa course à Saint-Jean-Terre-Neuve, Peter Shemerta. Comment ça se passe pour lui, concrètement? Chaque jour de course, qu'est-ce que ça veut dire? Il revient à 4h30 le matin. Il va sur l'autoroute où il a arrêté la veille. À ce temps-là, il n'y avait pas de GPS. Pas de cellulaire, alors il a placé un sac plastique avec des roches à côté de l'autoroute. Vraiment old school. Et il a trouvé le sac plastique et il faisait 25 push-ups sur le côté de le bord de l'autoroute, sur la Garnotte. Son ami Doug, qui lui a accompagné à travers le Canada, 1 mile à la fois. Lui, il a conduit une camionnette 1 mile en avant et Terry a couru aux camionnettes. Il n'y a pas eu d'escorte policier jusqu'à Ontario. Alors, c'était dangereux. Alors, Terry a couru la camion. Peut-être il a pris un peu de l'eau, un petit orange. Et son ami a avancé un autre 1000 et a répété tout ça. Il faisait quelle distance par jour à peu près? Son moyenne était un marathon par jour pour 143 jours. 42 kilomètres par jour. Ouais, ouais. Et puis le matin, il faisait à peu près 16 kilomètres. Après ça, il a mangé vraiment un grand repas. Après ça, il a fait une sieste d'à peu près 2 heures. Il s'est endormi à peu près 2 heures. Et puis après ça, continue à courir. Ouais. Pendant tout ça, la média faisait de la média. Il était invité à parler à des écoles. Il avait tout le job d'être Terry Fox aussi. En même temps qu'il courait, il fallait qu'on parle de lui. Donc, effectivement, parfois en courant, hein, c'est amusant ce qu'on vient d'entendre. Vraiment, au tout début, le reporter de la CBC, qui est moins en forme, on l'entend bien, que Terry Fox court avec lui. Mais ce sera ça, donc. Au début, cela dit, sa course... dans les Maritimes, au Québec, ça passe un peu inaperçu. Est-ce qu'il le vit mal, ça? Le fait qu'on parle moins... En Ontario, vraiment, tout le monde va parler de Terry Fox. Mais au début, non. Oui, c'est... Moi, je considère ça toujours le pouvoir d'une personne de faire la différence. Alors, Terry, il a fait une décision de faire une différence. Son ami a fait une décision de faire une différence. Et dans le temps, à l'époque, il a couru pour la Société canadienne du cancer. Et eux, à chaque province, il y a eu un directeur provincial ou un comité qui a dû faire la décision, est-ce qu'on va aider cette jeune gars? Mm-hmm. Dans plusieurs provinces, la réponse était oui. Dans certaines régions de certaines provinces, la réponse était non. Dans notre province, une personne a fait la décision non. Et lui, il a dit que mes bénévoles ont fait leur collecte de fonds annuel en avril. Et je peux pas retourner demander mes bénévoles d'aller faire un collecte de fonds pour Terry Fox. Alors, ça, c'était son décision. Je pense que c'était pas la bonne décision, mais en Ontario, c'était une vote qui a déterminé oui, ils vont aider Terry Fox. Alors, c'est une personne qui a placé la vote oui. Mm-hmm. Mais il reste qu'au début, il y a moins de couverture médiatique dans toutes les provinces atlantiques, au Québec. C'est en Ontario vraiment qu'on s'intéresse à lui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a à quel moment on décide de s'intéresser à Terry Fox? Bill Vigors. La différence qu'une personne peut faire pour une campagne. Et tout le monde connaît Terry Fox. C'est pas tout le monde qui connaît le monsieur qui s'appelle Bill Vigors. Il était le relationniste de la Société canadienne du cancer qui est allé accompagner Terry Fox un peu en Nouveau-Brunswick. Et après ça, il a dit, OK, je vais te rencontrer en Ontario et je vais faire des grandes choses pour toi, Terry. Et Bill a contacté des personnes qui eux-mêmes ont dit, on va faire des grandes choses. Et ça a tout tourné avec Bill Vigors qui a partagé l'histoire de Terry. Et les personnes comme vous, la média ont vraiment bien réagi. Mais au fond, je ne connaissais pas cette histoire-là. C'est un relationniste, une opération de relations publiques, un gars qui comprend et qui met la presse dans sa poche. C'est cet homme-là qui fait que tout à coup, en Ontario, l'histoire de Terry Fox devient, comme on dit dans le milieu, une histoire. Oui. Oui. Et non seulement relationniste, parce qu'il a trouvé les bénévoles aussi. Et l'importance des bénévoles à notre société. Terry était un bénévole. OK? Il est dans le livre Guinness des records étant le bénévole qui a ramassé le plus de fonds dans l'histoire pour une cause. Mais Bill a trouvé d'autres bénévoles qui ont fait la collecte de fonds. Et Terry a toujours dit, moi, la seule chose que je fais, je cours. Ouais. C'est les bénévoles qui ramassent tous les fonds. Alors, c'était vraiment un travail d'équipe, le marathon de l'espoir. Mais évidemment, tout s'arrête le 1er septembre 1980. En terminant, le marathon de l'espoir, le marathon de Terry Fox qui a pris fin, du moins pour l'instant. Hier, le jeune handicapé de Colombie-Britannique a dû interrompre à Thunder Bay, en Ontario, son odyssée à travers le Canada. Il avait parcouru plus de 3200 kilomètres. Il avait recueilli 2 millions de dollars pour la recherche sur le cancer. Cette maladie qu'il avait frappée il y a 3 ans, qui avait nécessité une amputation, vient de se déclarer au poumon. Monique Carité rappelle les faits. Terry Fox avait le souffle court depuis une semaine et avait réduit sa vitesse à 26 km par jour. Un avion gouvernemental l'a ramené d'urgence hier en Colombie-Britannique. Il dit ne pas souffrir et avoir bon moral. Terry Fox repose dans le même hôpital où on l'a amputé d'une jambe il y a 3 ans. Depuis hier, c'est un déferlement d'émotions, d'appels, de dons. Terry Fox espère finir son marathon cette année, l'an prochain ou plus tard. Cette décision de tout arrêter le 1er septembre 1980 à Peter Sharonetta, ça a dû être terrible pour Terry Fox. Comment il vit tout ça? D'abord, apprendre qu'il a à nouveau le cancer et puis qu'il doit mettre fin à son marathon de l'espoir. Il a vécu tout ça comme un humain et un héros. Comme un humain, ça lui faisait peur. Comme un héros, il a dit aux personnes, mais peut-être c'est mieux que le cancer est revenu et ça a affecté moi une deuxième fois parce que maintenant tout le monde sache qui je suis et je veux que le monde sache que le cancer peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Ensuite, il a dit, peut-être le monde, ils vont regarder qu'est-ce qui arrive avec moi et ils vont aller redoubler leurs efforts pour battre cette maladie. Ouais. Alors, humain et héros. Et c'est vrai que ça s'arrête pas là. Au contraire, en fait, on ramassera plus d'argent encore à la suite de cette annonce où il doit interrompre son marathon. Il y aura déjà une nouvelle très rapidement. Le président de la chaîne Four Seasons, des hôtels Four Seasons, qui va dire, il y aura une course chaque année. Ça, c'est le lendemain. De cette annonce de l'interruption de la course. Oui, à l'intérieur d'une semaine. Lui, il était un grand supporter de Terry et les deux ont parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer ça. Et lui a suggéré une course à chaque année où tout le monde peut participer et Terry a adoré cette idée. Et finalement, quand Terry était dans son lit d'hôpital, vraiment malade, et il a eu peur pour son vie, il avait juste 22 ans. Ouais. Il a reçu une lettre de ce monsieur Sharp, Isidore Sharp, des hôtels 4 saisons. Et il était endormi, alors l'infirmière a placé la lettre sur son lit d'hôpital. Il s'est réveillé, il a dit, mais il a lu la lettre. Et ça disait, Terry, qu'est-ce que t'as commencé, va pas finir avec toi. Je te promets qu'on va organiser à chaque année la journée Terry Fox pour ramasser les fonds pour le cancer. Et on va faire ça autant qu'à chaque année, jusqu'à y a plus de cancer sur notre planète. Alors, Terry savait que même s'il meurt, qu'est-ce qui a commencé ne va pas mourir avec lui. Et de fait, dans les mois qui vont suivre, on va beaucoup, beaucoup parler de Terry Fox. Il va recevoir plein d'honneurs, mais on parle de sa cause dans les mois qui suivent. Oui. Il y a la ville de Port Coquitlam, sa ville où il vivait, ils ont reçu un sac de courrier pour toute la ville et un autre sac pour Terry Fox à chaque jour. Il y a eu des télégrammes de Ronald Reagan de partout sur la planète. Il y a eu des personnes de partout qui ont dit « On s'embarque, on va continuer qu'est-ce qui a commencé. » Et n'est-ce pas, c'est une histoire merveilleuse que... Tu sais, le cancer, quand ça nous affecte, quand ça touche à nos femmes, nos sœurs, notre famille, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire, comme ramasser des fonds et essayer de trouver un remède pour ça, juste comme Terry Fox. Et de fait, c'est un bon exemple, parce qu'il meurt donc le 28 juin 81. Il est à quelques semaines d'avoir 23 ans, mais évidemment, il y a un héritage, vous en êtes la preuve vivante, il y a une fondation. C'est des dizaines de millions de dollars là, qui seront amassés après sa mort, en fait. Mais avant son décès, 24 millions, qui était son rêve d'avoir $1 par Canadien, maintenant on est rendu à presque 800 millions de dollars ramassés au nom de Terry Fox. Et c'est juste le début. C'est juste le début. Est-ce que cette affaire-là, est-ce que le phénomène Terry Fox, la place que ça occupe dans notre imaginaire, est-ce que c'est surtout un phénomène canadien-anglais ou si c'est aussi un phénomène québécois? Je vous propose deux extraits d'entrevue à ce propos-là. La journaliste de la Gazette à l'époque, Greta Chambers, au micro de Pierre Nadeau en septembre 1981, et le journaliste Keith Spicer à l'époque au micro de Gilles Moreau en juillet 1981. C'est un phénomène, vous savez, que je dirais uniquement un phénomène du Canada anglais. Ah bon? Il me semble qu'il y a certainement eu de l'admiration pour Terry Fox ici au Québec, mais il n'a jamais été, il ne sera jamais, il me semble, le héros qu'il est devenu au Canada anglais, qui est peut-être en mal de symbole. Le Canada anglais avait besoin d'un homme comme Terry Fox, d'un saint au fond finalement, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de le canoniser. Vous savez, un symbole qui est apolitique, aculturel, arégional, qui n'a rien de controversé. Vous savez, on peut pas vraiment monter une controverse autour de Terry Fox. Et ici, nous avons peut-être trop de symboles. Et comme il est passé par chez nous presque inaperçu, nous n'avons pas été apparentés à son périple. Terry Fox a traversé tous les maritimes et le Québec sans être remarqué presque. Et c'est en Ontario, que véritablement le phénomène Terry Fox s'est créé. Est-ce que, dans ces circonstances, on peut affirmer que Terry Fox, c'est aussi une création des médias. Tout comme Pierre Trudeau, René Lévesque, Peter Lougheed, Félix Leclerc, oui, c'est exact. Si vous voulez rejoindre le peuple, la masse, si vous voulez, forcément, vous passez par les médias. Mais ça, c'est le média, c'est neutre. Quand on me parle, par exemple, de la soi-disant négligence des Québécois à l'égard de Terry Fox, je pense que c'est un phénomène essentiellement géographique. Parce que Terry Fox n'a pas vraiment prouvé qu'il avait raison et qu'il était sérieux avant d'arriver en Ontario. Si le Québec s'était trouvé à peu près vers Thunder Bay, je pense que, comme vous dites, le phénomène de médias, cet effet de boule de neige, aurait fait comprendre aux Québécois également ce qui se passait. Un phénomène plus canadien-anglais que québécois, le phénomène Terry Fox? Je dirais oui, que c'est évident que Terry Fox est plus populaire avec les Canadiens-anglais que les Québécois. Mais au Canada, il y a 15 rues Terry Fox, 10 rues Terry Fox se trouvent dans notre province. Moi, je rencontre à chaque jour des Québécois qui supportent la mission de Terry Fox. Les écoles au Québec qui font une journée Terry Fox ramassent deux fois plus que les écoles dans la deuxième province du Canada. OK? Les étudiants au Québec qui participent dans une journée Terry Fox à l'école ramassent deux fois plus de fonds que les élèves des autres provinces. Mais ça, c'est l'héritage Terry Fox, Peter Sheremeta. Mais au moment où ça se passe, écoutez, je regardais le calendrier, au fond, c'est pas hier matin, là, mais le printemps 1980, au Québec, au moment où Terry Fox court, traverse le Canada avec ses chandails, avec une feuille d'érable, on est en plein référendum, premier référendum sur l'indépendance au Québec en 1980. Là. Oui, oui. Mais aussi, ça aide pas que Terry était accompagné par deux personnes de Colombie-Britannique qui parlaient pas le français. Et tu sais, je pense que c'est une des choses du progrès. À ce temps ici, si quelqu'un va répéter cette périple, on sait mieux maintenant qu'au Québec, il faut parler français. Ça aide beaucoup. Et aussi, je suis convaincu que si les Québécois savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, comme la différence seulement sera tellement différente. Comme je vois ça maintenant. Maintenant, Québec, c'est la province qui ramasse le quatrième plus de fonds pour tout le Canada. Ouais. Alors, on voit ça aujourd'hui. Peter Sheremeta, on s'arrête là-dessus. Vous êtes, je le rappelle, directeur de la Fondation Terry Fox au Québec. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.